Samuel et Marianne arrivèrent les derniers vers 9 heures. Le champagne servi en apéritif dans le jardin d'hiver était accompagné de toasts au foie gras et de petits boudins grillés. Très élégant dans un costume bleu nuit, Adrien passait les plateaux de l'un à l'autre, veillant à ce que les coupes restent pleines. Pascal avait fait l'effort de surmonter le malaise provoqué par sa discussion avec son père. Décidée à sourire malgré tout, afin de ne pas assombrir cette soirée de réveillon, elle s'était préparée avec soin. Maquillage lumineux, chevelure relevée en chignon, courte robe fluide de satin ivoire. « Tu es tellement plus belle en femme qu'en jean !» s'était écrié Henri en la voyant. Plus réservé, mais tout aussi admiratif, Laurent semblait avoir du mal à détacher d'elle son regard. « Tu as réussi à décorer cette maison comme quand nous étions gamins !» constata Adrien en s'arrêtant devant elle. « J'adorais les Noëls ici !» Désignant le sapin et les dessins au blanc d'Espagne sur les vitres, il eut un sourire attendri. « Je t'offre un abonnement pour les années à venir !» répondit Pascal. « Je compte rester à Pérol un bon moment. »« Au moins le temps de rembourser ta banque et ton mécène !» ironisa son frère. Samuel, qui se trouvait à côté d'eux, leva les yeux au ciel. « Je ne serai pas un créancier trop exigeant, promis, à condition d'avoir un abonnement aussi. Plus je viens dans cette maison, plus je l'aime. »« Ah, ça ne m'étonne pas !» lança Aurore. « Habiter Pérol est un vrai bonheur, on s'y amuse comme des folles. »« Vous n'êtes pas mortes de peur, seules toutes les deux, les soirs d'hiver ?» interrogea Marianne avec curiosité. « Si, bien sûr. D'ailleurs, nous avons joué au train fantôme dans le parc l'autre nuit pour aller cueillir du houx. Frissons garantis. Où se trouvent les plus proches voisins ?»« Largement hors de portée de voix. » Aurore éclata de rire en tapotant l'épaule de Marianne. « Mais nous ne sommes pas des petites natures, ni Pascal ni moi. » Pascal savait qu'Aurore n'appréciait pas Marianne. « Elle a une façon de te regarder quand elle pense que tu ne la vois pas. » Elle est jalouse de toi et, si elle le pouvait, elle te fâcherait avec ton ex. » Moins sévère, Pascal comprenait les réticences de Marianne depuis qu'elle s'était retrouvée dans les bras de Sam. « Le problème des maisons anciennes, trancha Henri, c'est qu'on est toujours en train de faire ou de prévoir des travaux. »« Tu exagères, » protesta Pascal. « Non, ma chérie, tu t'en rendras vite compte. En 20 ans de location, des tas de choses ont dû se dégrader. L'électricité est vétuste, la chaudière, n'en parlons pas. » « C'est ça, n'en parlons pas. « Sois gentil, pas ce soir. » Avec un soupir volontairement exagéré, Henri tendit son verre à Adrien. « Toi, n'en profite pas pour m'oublier. » Une douce chaleur régnait dans le jardin d'hiver, grâce aux radiateurs électriques et à la multitude de bougies rouges et vertes disposées un peu partout. « Où est Georges ?» demanda Pascal à Aurore. « Il ranime le feu dans la cheminée de la salle à manger. Sinon, on va mourir de froid pendant le dîner. »« À propos, qu'est-ce qu'on mange, les filles ?» s'enquit Adrien. « Une gasconnade !» annonça fièrement Aurore. « C'est quoi ?» La question de Marianne arracha un sourire apitoyé à Aurore. « Pascal va vous expliquer. Moi, il faut justement que j'aille brancher le four. Il s'agit d'un gigot aux anchois et à l'ail. On va vous le servir avec des truffes cuites sous la cendre. »« Oh, quelle bonne idée d'y avoir pensé !» s'exclama Laurent. « Vous le faites avec une petite barre de lard et dans du papier d'argent. Oui, c'est la recette. Vous n'avez pas eu trop de mal à en trouver ?» « Si, mais nous avons une gentille voisine, à 1 kilomètre d'ici, qui a pu nous en dénicher chez un paysan. »« De qui parles-tu ? » s'étonna Henri. « Pas de cette vieille emmerdeuse de Léonie Bertin. »« Pourquoi la traites-tu d'emmerdeuse ? » ?»« Elle est très aimable. » »« Et très bavarde, surtout. » »« Elle nous a donné des gâteaux à la violette que vous aurez en dessert. » Henri haussa les épaules, apparemment contrarié. Mais Pascal l'ignora. « Pas de fromage ?» railla Adrien. « Bien sûr que si, j'ai pensé à toi. » J'ai choisi un gâti. C'est vrai ? Oh, je t'adore. De nouveau, Marianne semblait perdue à l'énoncé de toutes ses spécialités régionales. Elle lança un regard interrogateur à Samuel, qui expliqua avec une pointe d'agacement. Une fondue de Cantal et de Roquefort dans une pâte à brioche. Maman avait l'art de composer des dîners de ce genre, se rappela Adrien. Je ne crois pas que nous ayons jamais mangé de dinde ou de bûche un soir de Noël. Je me souviens d'une année où elle nous avait fait une tranche de foie gras frais, à peine poêlée, avec du raisin blanc. Une ombre de mélancolie passa sur son visage, mais il se reprit tout de suite, sans doute par égard pour son père. « Votre menu est somptueux, les filles !» Henri regardait ailleurs, l'air perdu dans de sombres pensées. Laurent profita du silence pour demander l'autorisation de prendre quelques photos avec son appareil numérique. « Si vous ne les aimez pas, je ne les conserve pas. » donc elles seront toutes formidables. Et d'abord le sapin, j'en ai rarement vu d'aussi original. Aurore aurait dû être décoratrice, affirma Pascal. Purpan y aurait perdu une excellente infirmière, rétorqua Laurent avec un de ces sourires chaleureux dont il avait le secret. Il fit signe à Pascal de venir poser devant l'arbre, et elle se prêta au jeu de bonne grâce. « Vous êtes sublime dans cette robe, » murmura Laurent en baissant son objectif. À l'évidence, c'était elle qu'il voulait photographier plutôt que le sapin. « Je vous ai apporté un cadeau de Noël virtuel, Pascal, du genre qu'on ne peut pas envelopper. À savoir, l'hôpital d'Albi a besoin d'un pneumologue qui sera engagé début février. Si vous êtes toujours intéressé, je peux vous obtenir ce poste. » Saisie, elle resta d'abord sans réaction. Puis elle se précipita impulsivement vers lui et le prit par le cou pour l'embrasser. Un baiser chaste qui fit toutefois ricaner Samuel. « Tu appelles ça un cadeau ? En tout cas pas une promotion, j'imagine. » Aussi troublé par le contact de Pascal que par l'ironie de Sam, Laurent bredouilla. « Je ne fais que lui faciliter les choses, c'est son choix. »« Tu dois être cinglé, ma parole !» lâcha Sam avec une certaine agressivité. « Lui encore, ça se comprend. » « Si tu ne fais plus partie du personnel de Purpan, il a les mains libres pour te... »« Samuel, s'il te plaît !» L'intervention de Marianne, à la fois timide et déterminée, permit à Sam de faire marche arrière. « Oh bon, je plaisantais !» Laurent lui jeta un regard indéchiffrable, sans lâcher Pascal, qui l'avait prise par la taille. « L'idée n'est pas mauvaise, ma petite fille. D'abord, tu pourras t'épargner tous ces risques inutiles sur la route. Ensuite, tu seras très bien à Albi. » Les fontanelles y sont connues, tu verras. Et l'hôpital est devenu important. Content de lui, Henri considéra successivement Laurent, puis Samuel. Avait-il envie de les dresser l'un contre l'autre? À moins que ça ne l'amuse de voir ces deux hommes qu'il estimait, prêts à s'affronter pour plaire à sa fille. Les truffes seront cuites dans 10 minutes, annonça Georges. L'agneau aussi, nous sommes synchronisés. Aurore lui adressa un sourire plein de tendresse, et l'espace d'une seconde, Pascal les envia. Ils allaient bien ensemble, leur relation semblait les épanouir, et ils réussissaient le prodige de conserver malgré tout une certaine indépendance. Était-ce la recette du bonheur? Elle s'aperçut que Laurent la tenait toujours, ce qui lui procurait une sensation agréable, mais elle s'écarta de lui en avisant la tête renfrognée de Sam. « Je vous propose de passer à table, » déclara-t-elle d'un ton léger. La place des convives avait été un véritable casse-tête. Néanmoins, elle pensait avoir fait pour le mieux. Adrien se retrouvait entre Marianne et Aurore, dont l'autre voisin était Georges. Tandis que Pascal avait pris son père à sa droite, Laurent à sa gauche, avec Samuel presque en face d'elle. Des pommes de pin et des étoiles argentées décoraient la nappe, ainsi que des bougies en forme de Père Noël. Profitant du chahut accompagnant l'arrivée du gigot, Pascal se pencha vers Laurent. « Merci pour ce cadeau. C'est le plus beau qu'on pouvait me faire. » La perspective de ne plus voir Nadine Clément, je suppose. Elle secoua la tête en riant, ce qui eut pour effet de dénouer son chignon. Alors qu'elle récupérait à tâtons 2 ou 3 épingles pour rattacher ses cheveux, Laurent effleura sa nuque, comme s'il voulait l'aider. « Le professeur Clément ne risque pas de me manquer, » admit Pascal. « Tant mieux. En tout cas, Sam n'a pas tort. À partir de février, je pourrai vous inviter où je veux, sans déchaîner les commérages. » À l'autre bout de la table, Adrien multipliait les efforts pour mêler Marianne à la conversation, et la jeune femme semblait se dérider. Pascal espéra qu'elle arriverait à passer une bonne soirée, malgré l'indifférence dont Sam faisait preuve à son égard. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé qu'il viendrait seul, puis s'était ravisé aujourd'hui en téléphonant pour demander si Marianne pouvait l'accompagner. Lors de cet appel, il ne devait pas être seul, car il n'avait donné aucune explication à ce changement de programme. Pascal s'aperçut que Sam était justement en train de la regarder et elle lui sourit. « Tu veux bien servir le vin ?» À peine prononcée, elle regretta sa phrase, pourtant anodine. À l'époque où ils étaient mariés, c'était toujours Sam qui s'occupait du vin. Ils aimaient recevoir leurs copains avec des crus de qualité et Sam achetait régulièrement du vin pour constituer leur cave. Conciliant, il lui avait même proposé d'en prendre une partie lorsqu'ils avaient divorcé. Mais à ce moment-là, les bouteilles de Bordeaux ou de Bourgogne millésimées étaient le cadet des soucis de Pascal. Elle le vit se lever pour remplir les verres avec précaution. En connaisseur, il évitait de verser trop vite. Lorsqu'il arriva derrière elle et se pencha au-dessus de son épaule, elle éprouva une impression étrange, qui ressemblait presque à un regret. Ils avaient été très amoureux, très heureux, et si Pascal était tombé enceinte, ils ne se seraient jamais quittés. Jamais. Comment pouvait-elle penser à ça, alors que Sam était en passe de refaire sa vie, et qu'elle-même se laissait séduire avec délice par Laurent? Reportant son attention sur ce dernier, elle constata qu'il l'observait d'un air interrogateur. « Pascal, ma chérie, c'est tout simplement divin !» décréta son père qui venait de goûter une bouchée de truffes. « Félicite Aurore, c'est elle le chef cuistot !»« Heureusement pour nous !» ironisa Sam. « Parce que tu n'es pas tout à fait un cordon bleu, si mes souvenirs sont bons. Essaie de t'empêcher d'être désagréable, au moins le temps du dîner !» répliqua-t-elle en lui adressant une grimace. « Il n'y peut rien, c'est sa nature !» lança Marianne, avec un petit rire censé atténuer son propos. Dans le bref silence qui suivit, Pascal surprit l'expression exaspérée de Samuel. Elle se leva et prit la corbeille de pain pour aller la remplir à la cuisine. « Je vais découper le reste du gigot. Je pense que tout le monde voudra se resservir, » proposa Georges. « Je m'en charge. Tu as assez travaillé pour ce soir. » Déjà debout, Sam saisit le plat et suivit Pascal. « Tu me trouves vraiment désagréable ?» demanda-t-il dès qu'ils furent seuls. « Un peu tendu. Désolé. Marianne me tape sur les nerfs. Elle a trop bu et elle ne supporte pas l'alcool. Laurent aussi paraît te taper sur les nerfs. C'est différent. Je l'aime beaucoup, mais voir sa tête de merlan frit dès qu'il pose les yeux sur toi, et alors ?» Tournée vers lui, elle le toisa des pieds à la tête. « Alors, rien. Tu as raison, excuse-moi. » Quand il était dans son tort, Sam savait le reconnaître et faire amende honorable. « Je ne dois pas avoir l'air plus intelligent que lui, » admit-il, « d'autant que tu es éblouissante ce soir. Enfin, tu l'es toujours. » Il reposa le couteau à trancher et leva les yeux sur elle. Pendant 2 ou 3 secondes, leurs regards restèrent rivés l'un à l'autre. « Allons-y avant que ce soit froid, » murmura Pascal mal à l'aise. Chaque fois, il parvenait à provoquer en elle toutes sortes d'émotions. N'était-elle pas détachée de lui non plus? Dans ce cas, elle se livrait à un jeu dangereux, en continuant à le voir. Et pour Marianne, la situation était intenable, inadmissible. De retour dans la salle à manger, où la conversation était animée, Pascal retrouva le sourire et décida de se consacrer à Laurent. Elle bavarda un moment avec lui, évoquant ce poste à Albi qui l'attendait tellement. « Je me sens très bridée par Nadine Clément, presque ramenée à mes années d'internat. Comme elle ne m'aime pas, elle contrôle tout ce que je fais. Diagnostic, prescription, sans compter son obsession des examens superflus. Et pas question de passer trop de temps au chevet d'un malade. Elle est capable de venir vous tirer par la manche pour vous expédier ailleurs. Souci de rentabilité et d'efficacité peut-être, mais d'une part ça entretient une assez mauvaise ambiance, d'autre part on se sent déresponsabilisé. En revanche, ses qualités professionnelles sont indiscutables. Ce serait un plaisir de travailler avec elle si elle était moins acariâtre. » Laurent souriait en l'écoutant, apparemment ravi de pouvoir l'aider à obtenir un meilleur statut. « Albi est une plus petite structure que le CHU de Purpan. À mon avis, vous y aurez toutes les responsabilités que vous souhaitez, et peut-être même trop à votre goût. Rassurez-vous, je ne viendrai jamais vous le reprocher, » affirma-t-elle en riant. Après le gâti, plus personne n'avait faim. Aussi Aurore proposa-t-elle de servir les gâteaux à la violette en même temps que le café dans le jardin d'hiver. « On en profitera pour ouvrir les cadeaux !» s'écria Marianne d'une voix haut perchée. Elle semblait effectivement avoir beaucoup bu, et Pascal lança un regard interrogateur à Sam. Résigné, celui-ci alla prendre Marianne par le bras, lui chuchota quelques mots à l'oreille, puis l'aida à quitter la salle à manger. « Tu n'as pas passé ton temps à la resservir, au moins ?» demanda Pascal à Adrien. Son frère prit un air innocent, mais il était parfaitement capable de ce genre de mauvaise blague. « On rangera plus tard, » dit Aurore en passant à côté d'elle. « Viens, allons nous amuser avec les autres. » Pascal la suivit, ignorant la table dévastée.